Alors que l'on vient d'apprendre que Philae pourrait être réactivée aux environs du mois de mars, une autre sonde robot est actuellement sur son pas de tir, en attente de décoller. Ça devrait être lundi 1er décembre si la météo est favorable. Pour aller à la rencontre d'un autre vestige du système solaire, un astéroïde. Cette sonde japonaise de la Japan Aerospace Exploration Agency, la JAXA, est nommée Hayabusa 2 et recèle encore plus de subtilité que Philae. Hayabusa 2 a pour objectif un astéroïde venant de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Son petit nom est 1999 JU3, et avec ses 900 mètres, il a une taille plus petite qu'un noyau de comète, mais tout aussi intéressant à étudier, car Hayabusa 2 va rapporter des échantillons sur Terre. Les Japonais n'en sont pas à leur première, hein. Si vous vous souvenez, la première sonde Hayabusa avait réussi à toucher l'astéroïde Itokawa en 2005 et avait pu rapporter quelques grains de poussière en 2010, après des péripéties et pas mal d'avaries. C'était déjà une première mondiale, hein. L'analyse de ces échantillons avait pu, à l'époque, démontrer l'existence d'un lien entre les compositions chimiques de certains astéroïdes et des météorites tombant sur Terre. Avec cette deuxième Hayabusa, les chercheurs japonais montent un cran au-dessus, car pour étudier de très près 1999 JUA, qui est un astéroïde de type C, très riche en carbone, ils ont prévu non seulement de récolter des échantillons de surface avec trois récupérateurs, mais aussi de déposer un robot sur la surface pour analyser in situ. Et Hayabusa 2 emporte également un perforateur explosif qui devra produire un beau cratère sur l'astéroïde pour pouvoir ensuite analyser la nature du matériau de subsurface. Rien que ça. Si le lancement se passe comme prévu, Hayabusa 2 fera un tour complet du Soleil avant de repasser près de la Terre et rebondir gravitationnellement pour enfin arrivé auprès de 1999 JU3 en juillet 2018. Arrivé à destination, il restera à proximité durant 18 mois afin de cartographier le plus précisément possible toute la surface de l'astéroïde ainsi que caractériser sa rotation pour pouvoir choisir où atterrir. Hayabusa 2 et notamment équipé d'un imageur infrarouge qui permettra de repérer la quantité de chaleur dégagée par 1999 JU3 et comment sont distribués les différents minéraux en surface. Le principe imaginé pour récolter des échantillons est fondé sur une approche de la sonde en orbite à très très basse altitude. Elle va frôler la surface en tendant une sorte de perche au bout de laquelle se trouve un petit gobelet qui grattera la surface. Elle fera ce type d'approche par trois fois, mais c'est avant la troisième fois qu'elle contrera en scène le fameux perforateur explosif, afin de pouvoir ramasser le matériau expulsé par le choc ayant produit un cratère de diamètre prévu entre 2 et 7 mètres, hein, quand même. Et ce n'est pas tout, car Hayabusa 2 a son Philae à elle. Et oui, il s'appelle Mascot, Mobile Asteroid Surface Scout. C'est un tout petit rover, pas plus gros qu'une boîte à chaussures, mais bourré d'électronique dans ses quatre instruments, qui pourra se déplacer par bonds successifs. On y trouve bien sûr un imageur pour nos beaux yeux, ainsi qu'un microscope et deux autres instruments d'analyse. Mascot est géré par le Centre Spatial Allemand, en collaboration avec la JAXA, l'ESA et le CNES, et sera contrôlé par la même équipe qui contrôle aujourd'hui Philae. L'expérience acquise avec Philae va pouvoir être utilisée à plein pour la mise en œuvre de mascottes. Les scientifiques ont par exemple déjà modifié leur programme pour mettre en route mascottes le plus tôt possible à son arrivée à la surface pour parer à toutes les éventualités et récupérer le maximum de données avant une éventuelle panne d'énergie. Et Hayabusa 2 lancera aussi sur 1999 JU3 trois autres petits robots appelés Minerva qui prendront plein de photos, un peu à la japonaise. Hayabusa 2 quittera ensuite son astéroïde en 2019 pour revenir sur Terre avec ses précieux échantillons. Et elle devrait atterrir en décembre 2020 en Australie. L'exploration des petits corps ancestraux du système solaire ne fait que commencer et va aller en s'accentuant. Alors que Hayabusa 2 sera sur son chemin en 2016, ce sont cette fois les Américains qui lanceront leur mission de récupération d'échantillons astéroïdales avec la sonde Osiris-Rex qui aura pour objectif un astéroïde nommé Bennu, plus petit que 1999 JU3, mais a priori tout aussi riche en matière carbonée. Une collaboration entre les deux équipes est déjà prévue pour comparer les deux astéroïdes. L'information sur Hayabusa 2 a été reprise cette semaine à la fois dans les deux revues de grande envergure que sont Nature et Science. Donc je mets les liens juste en bas de ce post. À bientôt sur Ça se passe là-haut.